Brèves histoires de la culture par Jérôme Clément. 1682, c'est à cette date que Louis XIV décide de fixer le siège de la cour et du gouvernement dans le grand palais qu'il avait fait construire dans les décennies précédentes. Le roi Soleil voulait montrer au monde que la France brillait par la force de ses armes et le rayonnement de ses arts. Ce sont à peu près les mêmes mots qu'utilisera le général de Gaulle, célébrant à sa manière ce que tous les souverains, monarques ou présidents de la République appelleront le génie français. La Galerie des Glaces, construite à cette époque, en est l'illustration la plus symbolique, voulue et décidée comme telle par le roi Soleil. La Galerie des Glaces devait être le centre du pouvoir royal, l'axe central, le lieu des grandes manifestations publiques. Une pièce fastueuse de réception des ambassadeurs, courtisans, sujets et dignitaires se côtoyaient sous le plafond peint par Charles Lebrun. Les peintures racontent la victoire du roi contre les pays de l'Europe coalisée lors de la guerre de Hollande, vaincus, qu'ils viennent demander la paix. C'est donc une œuvre de propagande destinée à montrer de façon éclatante la supériorité des Bourbons sur les Habsbourg et celle de Louis XIV sur la cour de Vienne. La Galerie des Glaces est restée dans l'imaginaire mondial un lieu exceptionnel. Bismarck y fait proclamer la naissance de l'Empire allemand le 18 janvier 1871. Le traité de Versailles, qui mit fin à la Première Guerre mondiale, y fut signé en 1919. François Mitterrand y reçut ses hôtes lors du sommet de 1981 et François Hollande y convia ses principaux homologues européens à la fin de son quinquennat en mars 2017. Emmanuel Macron y reçoit juste à côté, dans la galerie des batailles, Vladimir Poutine en mai 2017, inscrivant ainsi son quinquennat dans la continuité de l'histoire des relations franco-russes de Pierre le Grand et de Louis XV. L'Europe s'est faite et défaite dans ce lieu symbolique du pouvoir royal qui reste unique dans notre pays. Le pouvoir des rois s'exerce donc sur les artistes français qui trouvent à sa cour des moyens de travailler, de connaître la renommée et d'exercer leur influence. Versailles fut de ce point de vue un condensé tout à fait exceptionnel puisqu'entre les architectes Levaux et Ardoin Mansart et le jardinier Lenôtre, la danse est à l'honneur avec le roi, lui-même danseur dans sa jeunesse, qui affectionne la musique de Lully. Molière y fait représenter ses comédies et l'on est saisi de l'audace non seulement de l'auteur, mais aussi du roi qui acceptait une liberté de ton étonnante et des critiques sur les mœurs et la société qui l'entourait, à condition qu'elle respecte le pouvoir royal. Certes, cette tradition de souverain protecteur des arts et lettres n'est pas propre à la France. Le roi d'Angleterre, le prince de Saxe, la tsarine, le roi de Prusse, multipliés à l'époque, construction de châteaux et collection de peintures. Mais les rois de France lui donnèrent une ampleur et un rayonnement qui font de Versailles le centre de la vie artistique européenne. Cette période s'est inscrite durablement dans notre mémoire collective. Avec leurs 10 millions de visiteurs par an, le parc et le château de Versailles continuent d'impressionner les touristes, d'ancrer en France une certaine idée de la beauté du patrimoine bâti et des jardins, celle des arts de la table ou des arts de la scène, de la mode vestimentaire et de la décoration. C'est l'origine d'un savoir-faire transmis par des artisans qui font du raffinement une tradition très française sur laquelle s'est développée aujourd'hui l'industrie du luxe.